Je vais commencer. Recherche. Je suis tout au début, en fait. D'accord, oui. Tout au début. Et bon, je veux juste répéter que ça, c'est juste pour mes archives personnelles. Mm-hmm, d'accord. Que tu sais qu'on est enregistré. Oui, d'accord. Je ne suis pas allée encore, mais il y a plein de choses que j'ai vues. Il y a un site internet qui s'appelle Ciao.ch, mm-hmm. Pro Juventus. C'est ça. Il y a beaucoup de petites informations par ici, mm-hmm. par là. Astram. Astram, il s'occupe du deuil, oui. Oui, voilà. Mm-hmm. Mm, tout à fait. Donc, il y a dès la prévention, mm-hmm. au suivi psychologique, mm-hmm. après une... Oui. Alors, Ciao.ch, ils font, c'est un site de questions-réponses en ligne pour les jeunes. Donc, c'est souvent des très jeunes qui vont, c'est pré-adolescence et début de l'adolescence. Il y a des questions liées à tous les sujets, hein, pas seulement à la santé mentale ou au suicide. Oui. Il y a aussi tout ce qui est l'école, la sexualité, la violence, toutes ces choses-là, quoi. Mm-hmm. Et puis le travail, le chômage, tout ça. Et chaque domaine est répondu par des endroits différents. Donc tout ce qui est le suicide, les questions liées au suicide et à la dépression, tout ça, c'est répondu. Les réponses sont apportées. Pas directement par Tiao, mais par le CEPS, justement. Cette étude, cette unité qui est à l'hôpital de la Genève. Mm-hmm. Voilà. J'ai vu que sur leur site internet, ça n'a rien à voir avec l'interview, sur leur site internet, ils sont des choses, vous avez des choses de 2009, c'est-à-dire, ça a l'impression qu'au moins vous essayez d'être plus avec des informations actuelles, parce qu'ils sont des infos de 2008. Qui? Les centres d'études à l'hôpital. Mm-hmm. Ouais. Ils ne sont pas... actualiser leur site internet depuis 2010, C'est ça possible. Fait un peu ouais, oubli. C'est possible, ouais. Ouais, bah, ils se concentrent beaucoup sur les consultations et sur la chose, hein. Ils font beaucoup plus de... C'est du terrain, enfin, du terrain, disons. C'est de la pratique clinique aussi, beaucoup. Donc, mm-hmm. J'ai vu quelque chose d'écrit par rapport à la prévention. Ils disaient, les jeunes, ils ne savent pas, ils ne veulent pas vraiment parler de ça. C'est toujours les gens de l'entourage qui nous contactent, en fait. Sur le site du CEPS, c'était écrit ça? Oui. D'accord, peut-être. Je ne pense pas que c'est une généralité, non? Je pense que ça arrive qu'il y ait des gens de l'entourage qui les contactent et puis qu'il y ait des jeunes directement qui les contactent. Je pense que c'est un peu les deux, hein, je pense. Ouais, en tout cas, ça avait écrit... que les gens, ils ont un peu de problème de parler à des médecins, en fait. Je pense que pour un jeune, c'est pas un réflexe de contacter un psy quand ça va mal. Il va parler à ses copains, éventuellement, à ses encadrants, ses profs, autres, mais il va pas appeler un psy, je pense. Mm-hmm. C'est du coup, en effet, c'est peut-être du coup plus souvent l'entourage qui va... déclencher. En tout cas, qui va se renseigner auprès des professionnels. Le jeune n'ira pas forcément directement auprès des professionnels. Son entourage adulte, oui. Si l'entourage remarque que le jeune a des soucis et qu'il a besoin d'un professionnel pour aider. Oui, mais en fait, est-ce que... Je vais sauter des questions, mm-hmm. mais ça ne fait rien. Est-ce que ces personnes-là, dans les réseaux scolaires, mm-hmm. médicales, ou d'autres, est-ce qu'ils sont conscients, est-ce qu'ils sont suivis une éducation par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont formés pour ça, d'une certaine manière, pour mettre en évidence certains gestes ou certaines paroles d'un jeune? Mais qui? Les professionnels, par exemple un médecin ou un professeur ou quelqu'un qui est en contact direct avec ces jeunes. Ils ont tous des formations différentes. Un médecin, il aura sûrement fait de la psychiatrie pendant sa formation de médecin. Par contre, c'est pas lui qui verra, quand il reçoit un jeune dans son cabinet pour une question de santé X ou Y, c'est pas lui qui verra que le jeune a peut-être des soucis suicidaires. C'est pas le médecin de famille, par exemple, qui va avoir. Les encadrants scolaires, les enseignants ne sont pas du tout formés à ça, non. Mais par contre, il y a toujours dans une école une infirmière scolaire ou un psy scolaire qui ne sont pas directement formés à la détection du risque suicidaire, mais qui ont du moins, en tout cas, une connaissance du réseau professionnel qui peuvent éventuellement relayer s'ils détectent quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucune formation. Ça veut dire aucun des professeurs a les moyens ni pour s'avancer sur de gestes suicidaires que peut faire un jeune, ni comment ni pour les traiter, détecter, ni pour le traiter s'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas un encadrant, c'est pas un prof de traiter le risque suicidaire. Lui, son rôle, c'est de repérer éventuellement que le jeune va mal, et puis de le relayer ensuite quelqu'un qui pourra le prendre en charge. Mais statistiquement, il y a certaines façons de savoir si le prof se trouve dans une situation comme celui-là, il peut arriver à gérer un cas tel. Ça dépend ce que tu entends par gérer. De nouveau, un jeune qui vient se confier à un prof, le rôle du prof, c'est d'écouter. Très attentivement, de prendre au sérieux ce que le jeune lui dit, et ensuite immédiatement de relayer, d'appeler un professionnel, que ce soit le psy de l'école ou l'infirmière de l'école, ou d'appeler, si c'est à Genève, d'appeler le CEPS pour prendre conseil, de faire entrer en jeu tout le réseau autour qui peut fonctionner. Mais c'est pas à lui directement de gérer la crise suicidaire de l'adolescent. C'est pas lui, il est pas psy, il est pas médecin, c'est pas à lui. Donc ces gens-là, par exemple les enseignants ou autres, ils ne sont pas formés à détecter le risque suicidaire parce que ce n'est pas leur rôle directement. Par contre, si la question c'est que est-ce qu'il y a un manque de connaissances, oui, il y a un manque de connaissances, clairement. Je pense que les profs, ils ne sont pas du tout sensibilisés. Ou pas assez peut-être sensibilisé à reconnaître, à se dire « Ah tiens, il y a un truc qui est inquiétant chez cet enfant, chez ce jeune, il faut que j'en parle à quelqu'un d'autre. » Peut-être qu'ils vont se dire « Ah bon, bah, on va voir comment ça se passe dans deux semaines. Mm-hmm. » Sans agir directement. Ça, c'est un problème en effet. Mais c'est normal qu'ils ne soient pas formés à traiter le jeune directement. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Bon, je vais commencer je vais aller juste au début. J'avais ciblé la conversation un peu différemment. Donc, moi, je pense, vous faites de la prévention, mais quand même, s'il y a certaines questions que tu ne peux pas répondre, ça va. Oui, bien sûr, je dirais. Quand on pense le suicide chez l'adolescence, par exemple, l'adolescent, quels sont les principaux facteurs à l'origine? Parce que j'ai entendu sur certains interviews que tu as fait, qu'il n'y a pas un portrait robot, mais quand même, il doit avoir certains facteurs qui se répètent. Mm-hmm. Il y a des facteurs. Je ne veux pas forcément dire les facteurs les plus, quoi, disons, mais il y a toujours des facteurs de risque qui peuvent mener à un épisode ou une crise suicidaire. Ces facteurs, ils peuvent être sociaux, environnementaux, si on veut, ça peut être familial, par exemple une mauvaise situation familiale, une famille pas stable, déchirée, où il y a déjà d'autres soucis dans la famille. Ça peut être des problèmes scolaires, un jeune qui a un parcours scolaire décousu, avec des échecs. Ça peut être une addiction aussi, un jeune qui a une addiction, c'est un facteur de risque. Ça peut être un réseau social qui fonctionne pas bien, donc, par exemple pas beaucoup d'amis. Ou alors pas beaucoup d'activités en dehors de l'école, ou alors de l'absentéisme à l'école, tout ça peut être des facteurs de risque. Ouais. Parce que les gens qui se sont sentis harcelés forment aussi un niche sur des facteurs qui peuvent. Oui, le harcèlement, bien sûr. Oui, c'est un facteur de risque, bien sûr. Mm-hmm. Parce que on entend toujours que c'est une dépression, mais une dépression qui vient de quelque chose, comme tu as dit, une instabilité familiale ou autre. Mais est-ce que c'est toujours... est-ce qu'il y a toujours une raison psychologique, une raison de l'entourage ou familiale ou autre? Il y a toujours quelque chose, oui. Il y a toujours une raison, en général c'est même plusieurs raisons, c'est pas une seule raison. Il n'y a pas qu'une seule cause. Un suicide, c'est un cumul de plusieurs causes. Il n'y a pas un gène comme ça qui rend la personne suicidaire d'office. C'est pas biologique, c'est pas on est suicidaire ou pas. C'est des éléments de la vie, des éléments. Il peut y avoir une pathologie psychique aussi. Soit c'est vraiment une pathologie, une maladie qui arrive et puis voilà, ça arrive, c'est déclenché par des facteurs environnementaux, mais c'est une maladie quand même. Soit c'est des événements de vie ou autres qui entraînent une dépression. Et dans ce cas-là, la dépression c'est un facteur de risque, mais il y a, disons, des choses qui ont aussi causé la dépression. Donc, voilà, ça fait un peu. Bon, j'avais, par rapport à ça, j'avais lié. Moi, je le vois un peu comme un espèce de noyau, les facteurs socioculturels et économiques, non? C'est-à-dire, on dit que les femmes battues viennent toujours du milieu pauvre, c'est pas vrai. Donc, on est stigmatisé tous ces cas sociaux. Mm-hmm. Donc, dans les suicides, est-ce que ça existe aussi une stigmation de ces jeunes par rapport à qui viennent? Qu'ils viennent d'un certain secteur social ou qu'ils sont certains. Tu dis en vrai ou est-ce que les gens pensent que. En vrai. En vrai, non. En vrai, il n'y a pas de. Statistiquement, c'est pas vraiment significatif. Non. Y a pas, on ne peut pas dire que ça vient d'un milieu social ou d'un autre. Il y a eu des chiffres qui ont été faits, par exemple, au niveau des jeunes, entre étudiants, élèves et apprentis, par exemple, pour voir chez lesquels c'était le plus. Courant. Et ces chiffres-là montrent souvent que c'est plutôt chez les apprentis, en effet, qu'il y a plus de tentatives de suicide. Mais après, non, c'est pas chez les pauvres et pas chez les riches, c'est chez tout le monde. C'est pas du tout. Donc, disons qu'une instabilité psychologique qui peut aboutir à une dépression. Pardon. Non, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec avoir plus d'argent ou moins d'argent. Ça ne fait pas les soucis. Il peut y avoir un facteur économique en jeu. Il peut y avoir, par exemple, chez une personne adulte, il peut y avoir, chez un jeune aussi, des histoires d'endettement, par exemple. Il y a des jeunes qui s'endettent très fortement. C'est entendu à partir, jusqu'à même aux 25 ans, non ? Il y a beaucoup de jeunes endettés. Oui, beaucoup, beaucoup de jeunes endettés. Et ça crée évidemment une situation de risque, évidemment, parce que c'est un facteur, c'est une situation économique très difficile, oui, ça peut être un facteur de risque, mais de nouveau, c'est jamais le seul. Mm-hmm. Il peut y avoir ça, et puis à côté, encore un problème de famille, ça peut entrer en jeu, mais c'est jamais la seule chose. Il y a toujours plusieurs choses qui entrent en jeu. Mm-hmm. Et pourquoi ils ont fait cette étude dont tu parles ? Ils ont fait vérifier par rapport aux apprentis, ceux qui travaillent. Pourquoi ils sont. Pour savoir s'il y avait des différences. Il y a eu plusieurs qui ont été faites. Mais comment arriver à penser de cette manière-là ? Comment réfléchir au fait que, ah tiens, est-ce qu'il y a plus de risques ? C'est les questions qu'on se pose quand on est chercheur. Hein. Il faudrait leur demander à eux, je dirais. Mais pourquoi ils se sont demandé ça ? Mais je pense que c'est. Pour tout phénomène, c'est naturel de se poser la question, est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'il y a une catégorie sociale où le phénomène a le plus lieu ? Je pense que pour tout, quand on parle même d'alcoolisme. Ce n'est pas un peu classiste ? Ça dépend après comment on interprète les chiffres. Oui. C'est l'interprétation qui peut être stigmatisante. Ou ce qu'on fait des chiffres, mais pas le fait de chercher lui-même, je dirais. Ça dépend comment on cherche. C'est une question à poser à des chercheurs, je dirais. C'est pas forcément nous, on fait pas tellement ça. J'avais vu quelque chose qui m'a frappé beaucoup. Donc déjà, qu'est-ce que détermine leur méthode de suicide de ces jeunes? Il y a plusieurs. Par rapport aux méthodes, il y a plusieurs choses à savoir. D'une part, une des choses les plus déterminantes par rapport au choix de la méthode, c'est son accessibilité. Donc, souvent, les personnes, quand il s'agit d'un acte impulsif, au niveau d'un suicide impulsif, comme c'est assez souvent le cas avec les jeunes. C'est impulsif, c'est pas quelque chose de pré. Pas forcément, non. Il n'y a pas forcément un plan. C'est vrai. Bon, je fais pas une généralité, hein, mais non. Mais souvent il s'agit, ça fonctionne souvent chez les jeunes sur le système de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc il y a plein de choses avant, plein de facteurs qui entrent en jeu, une situation difficile, etc. Les choses se construisent petit à petit, mm-hmm. Et tout à coup il y a un événement déclencheur. une rupture amoureuse, le départ d'un ami, un événement, une moquerie, quelque chose qui tout à coup fait un déclenchement d'une crise suicidaire. Et à ce moment-là, ça peut être très impulsif sur le moment. Ça ne veut pas dire que la personne n'y avait pas pensé avant. Mm-hmm. Oui. Peut-être que le jeune okay. avait déjà eu des idéations suicidaires, qu'il avait déjà réfléchi, mais qu'il n'y avait jamais eu de planification précise. C'est pas quelqu'un qui s'est dit, ok, ce jour-là, dans 2 semaines, j'irai chercher mon arme à tel endroit, j'irai là, j'écrirai machin. Tu parles d'armes ? Par exemple, oui, ça c'est un exemple. Mais, parce qu'il y a un taux 75% de ça. Mais... Oui, ça genre peut-être. Enfin, restons peut-être à la, oui, non, la première question, sinon on va tout mélanger. Je te suis. Et du coup, je me suis perdue. Non, tu parlais d'un impossibilité. Voilà, à partir du moment où la crise suicidaire s'enclenche chez la personne, à ce moment-là, l'accessibilité d'une méthode de suicide est déterminante. Si justement il y a une arme... La quoi, pardon ? L'accessibilité. Oui. La possibilité d'avoir une arme rapidement, enfin d'avoir une méthode de suicide à disposition, c'est déterminant. Par exemple, justement, l'arme à feu. Si elle est à la maison, à côté, dans le placard, etc., là, c'est déterminant. Ça accélère le passage à l'acte. Si on parle d'un pont aussi, qui n'est pas loin... Oui, j'avais vu que tu avais parlé de mettre de... des barrières, voilà. Et ça, c'est une méthode de prévention qui a fait ses preuves, de protéger les endroits à risque, comme les ponts, certains passages à risque au niveau des chemins de fer aussi, et du coup de diminuer l'accessibilité aux armes à feu aussi. Tout ça, c'est des méthodes de prévention qui sont efficaces. Mmh. Mais je ne sais pas si je me répète, mais c'est à cause de cette accessibilité qu'ils se sont installés aussi bien, cette méthode. C'est-à-dire, c'est impulsif, mais en même temps, ils doivent avoir pensé déjà une fois dans la tête à faire ce geste-là. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est à toi à qui je dois demander ça, mais... Parce que il y a, c'est ça, j'avais lu 75% des hommes utilisent leur arme. Donc on parle de jeunes, on parle de jeunes. C'est-à-dire on responsabilise un individu à partir de 18 ans, on est considéré comme des adultes. On responsabilise une personne d'avoir une arme. On se rend compte qu'ils utilisent pour une autre chose. Mais la femme, j'ai lu qu'elle utilise l'écrasement. Oui, ou médicaments. C'est quoi l'écrasement ? C'est se jeter sous un train ou ce genre de choses. C'est ça. C'est jeter sur un pont, sur un train, un bus. Ouais. Ou voilà, par exemple. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle l'écrasement. Mais il y a une différence de méthode très claire entre les hommes et les femmes. Les hommes, en effet, choisissent beaucoup l'arme à feu ou la pendaison. C'est des méthodes qui sont beaucoup plus radicales. C'est des choix qui sont... je pense, culturelles, beaucoup. Une femme, elle choisira des méthodes qui sont moins invasives, moins radicales. Moins radicales ? Comme l'arme à feu. Il y a très peu de femmes qui se suicident avec une arme à feu. L'arme à feu, il y a la possibilité... T'as pas de choix, ça veut dire... C'est très efficace. Oui, exactement. C'est très efficace. Sur des prises de médicaments, de somnifères ou autres, c'est moins efficace. Il y a plus de chances de se réveiller, ça dépend des dosages, ça dépend, voilà. Mm-hmm. Donc, moi, je le vois un peu, j'ai un peu aperçu ça comme un espèce de problème pour dialoguer. Ça veut dire un espèce d'enfermement de l'homme qui n'arrive pas à s'exprimer. Est-ce que, comme si c'était quelque chose de mal, encore chez les jeunes, de pleurer ou d'exprimer ses sentiments ou... Est-ce qu'il y a une barrière par rapport à ça ? Il y a une différence entre les hommes et les femmes, oui. Il y a plus de suicides chez les hommes que chez les femmes, mais il y a plus de tentatives chez les femmes. Oui. Et ça, on l'explique justement d'une part à cause du choix des méthodes, parce que les femmes choisissent des méthodes moins efficaces, entre guillemets, que les hommes, et d'autre part, par le fait qu'une femme ira plus facilement parler de ce qui ne va pas. Elle ira plus facilement consulter un médecin si elle se sent déprimée, si elle a des soucis, elle ira en parler soit à son entourage proche, ses amis, sa famille, soit directement à un médecin, alors qu'un homme n'ira pas avoir un médecin pour des problèmes de santé mentale. Et du coup, l'homme attend que ce soit, les hommes, enfin, de manière générale, hein, C'est un peu le fait voilà, d'attendre que ça s'arrange tout seul et jusqu'au moment où ça ne s'arrange plus et où ça ne va plus du tout. Et à ce moment-là, il y a un suicide. Voilà. Ok, je pense que tu as répondu à l'autre question. Mais. Je voulais parler aussi. Je pense que tu peux donner aussi ton avis personnel, mais je pense que tu auras aussi quand même un avis officiel par rapport à, en fait, à la se donner à la mort avec l'arme. En plus, c'est les militaires, donc ça évoque un symbole de tradition. Je veux savoir si de toute manière il y a d'autres méthodes. Est-ce que c'est à cause de ça que ça vexe encore plus que les jeunes se donnent la mort avec une arme à feu qui en fait appartient à quelque chose qui sert pour défendre? Est-ce que la prohibition de l'arme à feu à la maison. Pourquoi il y a une relation aussi forte, même s'ils s'utilisent, si elle ne serait pas là? Parce que ça réveille quoi en fait, l'arme à feu qui soit à la maison, ça réveille. C'est des questions culturelles. C'est une tradition de l'armée, du citoyen militaire, citoyen soldat en Suisse, qui fait que tous les citoyens en Suisse font partie de l'armée. Tout le monde fait son service militaire et ensuite devient réserviste. Et du coup, en cas d'invasion, d'urgence militaire, etc., tous les citoyens doivent être prêts à aller au combat directement. C'est pour ça qu'on garde l'arme à la maison. Mm-hmm. Après, ce que ça réveille en chacun, ça. Moi, j'ai pas d'opinion directement. Je pense qu'il y a, oui, il y a un facteur culturel qui est très très fort. En Suisse, c'est comme ça depuis très très longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ça, parce qu'ils ont l'impression que ça fait partie d'une particularité très suisse, que c'est très patriote, que c'est la tradition, etc. Et je pense qu'il y a des gens qui sont très attachés à ça, parce que ça fait partie de leur pays, de leur identité. Et nous, on ne contredit pas, comment dire, on estime que c'est pas contredire l'identité suisse que de demander qu'une arme soit stockée ailleurs que dans le placard à côté du lit, disons. Je pense qu'après je peux pas penser pour quelqu'un qui attache une importance à son arme, qui a fait l'armée. Moi d'abord je suis une femme et puis donc j'ai pas fait l'armée, donc voilà. Et puis en plus voilà, je ne peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre qui penserait autrement que moi. Mm-hmm. Mais en effet, il y a quelque chose qui est lié très fortement à la Suisse, à l'arme en Suisse. Mais nous, ce qu'on dit surtout, ce qu'on sait et ce qu'on a essayé de faire comprendre, c'est que l'accessibilité d'une arme à feu, c'est un facteur de risque, un très gros facteur de risque en matière de suicide. Qu'en Suisse, on voit qu'il y a énormément de suicides, chez les hommes particulièrement, qui sont commis avec des armes à feu, et qu'il y a un lien direct. Et que dans les pays où ils ont essayé où ils ont fait passer des lois, ils ont restreint l'accessibilité aux armes à feu pour les habitants, il y a eu des chutes dans les taux de suicide. Mm-hmm. Nous, on a observé ça, on a lu, on a vu, et c'est le message qu'on a essayé de faire passer. Qui n'a pas réussi à passer, d'ailleurs. N'a pas réussi. Non, la votation elle a été refusée. En Suisse, il y avait une votation l'année passée pour, je crois, ouais. pour qui demandait que l'arme à feu militaire soit obligatoirement conservée dans un arsenal. Il y a un arsenal par canton et que chaque soldat, en repartant de ses semaines de service et chaque année il y a des tirs obligatoires, etc. Oui. Qu'à chaque fois il aille mettre l'arme de service à l'arsenal et puis quand il doit la réutiliser, il va la chercher à l'arsenal, etc. Donc c'était ça qui était demandé et qui était refusé. Mais de toute manière, j'avais lu sur votre site internet des statistiques qui montraient que le suicide chez les jeunes avait descendu depuis 2007, je pense. A descendu. Non. Chez les jeunes? Je crois. Tu sais plus que moi. C'est pas chez nous. Je pense pas que ce soit. Peut-être sur le site du CEPS. Et sur la tête, si ils disent ça, c'est la tête des chiffres que je ne vois. Suisse. Il y a 1300 suicides par année. C'est ça? Oui, à peu près. Okay. Entre 1300 et 1400, ouais, ça dépend des années. Donc 134 entre les gens de 18 ans et 25 ans, c'est ça? Ou je me trompe? 134 pour quelle année? Je ne connais pas tout par cœur. Non. 2007, 2008, je ne sais plus. 2007. Alors, je n'ai pas tous les chiffres par cœur, okay, pour chaque tranche d'âge. Je ne sais pas. Mais. J'avais compris qu'il y avait une descente. Environ 120 suicides de jeunes par an. Jeunes, environ 15-25 ans, disons à peu près. Entre 100 et 120, à peu près, suicides de jeunes par an. Mais j'ai l'impression que depuis 2007, les dernières statistiques qu'on a, c'est 2009. Donc, pour dire qu'il y a une chute depuis 2007, on n'a pas assez de recul. Deux ans, ça, c'est pas significatif. Donc, je suis pas sûre que nous, on ait dit quoi que ce soit comme ça. Non, non, vous avez pas dit. Dans le, je lis les statistiques. Mm. Et il a eu une descente, ça veut dire, depuis les cinq dernières années. Mais je suis sûre que je l'ai vu. Après, les données, si c'est par rapport à toute la Suisse, à Genève, je ne sais pas. Mais il y a, en effet une diminution, en tout cas à Genève, depuis une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans, il y a eu une diminution des jeunes. À Genève. À Genève, mais qui est due au fait qu'il y a une structure très très forte à Genève pour ça. Mm-hmm. Il y a un suivi beaucoup plus précis, beaucoup plus, disons, étroit que dans notre canton, avec cette unité de crise qui existe à Genève, avec les hôpitaux, avec la prévention très active que nous on fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à Genève, et je pense que c'est pour ça qu'en effet que les taux de suicide de jeunes à Genève ont diminué. Mm-hmm. Après, de manière générale, il y a une baisse de suicide depuis, il y a eu un pic dans les années 70-80 en Suisse, et puis ensuite il y a eu une baisse, et puis depuis quelques années je crois que c'est assez stable en fait. Hein. Mm-hmm. Pas seulement pour les jeunes, hein, pour tous les... Pour tous les personnes. Pour tous les âges. C'est vrai que pour les jeunes, il faudrait qu'on regarde. Là, je n'ai pas des chiffres en tête. Non. Ok. J'ai juste deux questions de plus que je crois que pour moi c'est important parce que... Il y a d'un côté, en fait, cette... Très paradoxal si tu dis qu'à Genève, quand même, on trouve une structure solide qui tient à tenir la main à ces jeunes, mais en même temps, on ne parle pas ouvertement sur ça. Donc, est-ce que ça aide pas du tout, en fait, aux jeunes de pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire un suicide ou qui a des envies suicidaires? Est-ce que ça ne lui met pas dans une position qu'il se sent encore plus rejeté? Parce que à niveau dans la société, dans les médias, on ne parle pas forcément de ça. Mais ce n'est pas tout à fait vrai qu'on n'en parle pas. Hein. C'est, ça dépend où, ça dépend dans quelle famille, ça dépend... Il y a en effet un tabou qui est lié au suicide. Je ne pense pas qu'on puisse mettre en lien le fait qu'il y ait un tabou qui existe et le fait qu'il y ait une structure hospitalière performante. Je ne pense pas qu'on puisse... Non, je ne dis pas ça, je dis, est-ce que le jeune peut ressentir d'une certaine manière que ce tabou existe, que bien sûr, c'est mais difficile comme n'importe d'en qui. Parler un jeune ou un adulte peut se rendre compte très facilement qu'il y a un tabou. Les gens, d'ailleurs, admettent assez difficilement qu'ils ont fait une tentative de suicide parce qu'ils ont peur du regard stigmatisant. Ça fait partie du tabou. Ce qui fait aussi partie du tabou, c'est vrai que quand on pense à la mort, on n'ose pas forcément en parler parce que... On a l'impression que ce sera mal reçu ou qu'on va passer pour un fou. Souvent, les gens qui commettent des tentatives ou qui pensent au suicide sont perçus comme des fous, alors qu'en fait, pas du tout, ça arrive à beaucoup de monde. Je pense que l'une des premières choses pour faire diminuer ou faire changer le tabou qui existe encore, c'est d'admettre, commencer par admettre que les pensées suicidaires, tout le monde en a eu. À un certain âge, à un certain moment, qu'il y a des périodes très difficiles dans la vie, qu'il y a des moments où on se sent complètement désemparé, on a l'impression d'avoir plus de solutions. Et à ce moment-là, il y a des pensées suicidaires. Ça ne veut pas dire que tout le monde passe à l'acte. Ça veut dire que tout le monde, à un moment donné de sa vie, pense à sa propre mort. Mm-hmm. Et je pense que ça fait partie du tabou. Ce qui fait partie du tabou, c'est qu'on n'admette pas assez ce genre de choses qui sont très naturelles. Mais parce que la mort est un tabou en Suisse. Beaucoup. Mais sexe aussi, la masturbation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont des tabous, c'est ça. Donc oui, en effet, mais un jeune, comme n'importe qui, ressent bien sûr fortement un tabou, quel qu'il soit. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que malgré ce tabou, il puisse avoir accès aux ressources qui existent pour lui. Et donc, que ça va dans le même sens que nous, enfin, notre but, un des buts de notre association, c'est de faire tomber le tabou qui existe, et puis de faire en sorte que les gens n'aient pas peur d'en parler entre eux, n'aient pas peur de demander de l'aide. Après, ça passe pas, faire tomber un tabou, ça passe pas forcément par... il faut faire attention avec les suicides entre le tabou qui est lié à une certaine stigmatisation, et l'inverse, l'opposé, qui serait la banalisation. Et je pense que c'est tout aussi dangereux que le tabou. Et le suicide de se situer quelque part au milieu, entre le tabou et la banalisation. Et du coup, il faut parler de ce sujet-là, il faut avant tout faire savoir aux gens, aux jeunes et à leur entourage, aux adultes, aux personnes âgées, etc., que c'est normal d'avoir des pensées suicidaires à un moment dans sa vie, que ça arrive à beaucoup de monde, pas seulement aux fous, et que dans ce genre de cas, il y a des endroits où on peut se faire aider, et qu'il est nécessaire de se faire aider, et que c'est pas un acte de faiblesse que d'aller chercher de l'aide, et que ça peut pas dire non plus qu'on est malade, ou qu'on est fou, ni rien. C'est ça, nous, notre but, c'est de tendre vers ça, c'est pas de supprimer toutes les dépressions au monde, parce que ça c'est pas possible, et un état dépressif, c'est un état qui est naturel dans le cours d'une vie, à un moment donné. Ça ne veut pas dire que c'est pathologique, mais il y a une certaine forme de dépression que tout le monde vit à un moment donné. Donc notre but, ce n'est pas de supprimer tout ça, mais c'est de faire en sorte que quand une personne ressent une détresse comme ça, qu'elle sache vers qui se tourner et qu'elle puisse trouver des solutions. Pour nous, c'est ça, en fait, lever le tabou du suicide. C'est pas le fait que tout le monde en parle tout le temps. Ça, on ne veut pas non plus. Ce n'est pas utile que tout le monde parle que de ça. Parce que ça fait peur après, ça dramatise et puis ça banalise, et voilà, c'est pas du tout notre but. Au contraire. Bon, si c'est l'extrême, non ? D'une certaine manière que ça mais soit. Mais c'est très rapide le passage d'un extrême à l'autre, hein, dans des sujets comme ça. C'est très rapide. Donc il y a un discours qui doit se faire de façon très prudente sur le suicide. Et je pense qu'il faut comprendre que c'est très sain d'avoir peur du suicide. D'avoir peur que quelqu'un de notre entourage se suicide, je pense que c'est très sain parce que ça veut dire qu'on a un instinct de survie, qu'on a un instinct d'empathie pour les autres. Par contre, il faut pas avoir peur de faire quelque chose pour cette personne. Et c'est ça, c'est au moment où les gens auront le réflexe de se dire « j'ai une personne qui va mal à côté de moi, je vais lui en parler », ça, à ce moment-là, il n'y aura plus de tabou. Mais ça ne veut pas dire qu'après, dans une cour de récréation, les enfants doivent parler de suicide toute la journée. Ça, c'est de la banalisation. Tu vois, c'est une nuance qui est assez... et qui peut être dangereuse, hein, je pense que la banalisation... Tout à fait. Une fois, j'avais fait des bénévoles dans une maison de quartier, et il y avait un garçon qui... On devait faire des activités pour des trucs de théâtre, etc. Il y avait un gamin qui avait fait semblant que, en fait, à chaque fois, il a interprété un suicidaire. Et personne ne lui parlait, personne ne disait rien. Et quand ça m'est arrivé à moi, tout le monde était encore choqué. Et en fait, je lui ai dit, je pense que c'est pas plutôt quelque chose qui va faire, il va passer à l'acte, c'est que aussi, en fait, c'est une manière de extérioriser ses peurs. Et finalement, j'avais dit à la personne si ses parents étaient divorcés, etc. Donc oui, ses parents étaient divorcés. J'ai lu qu'à niveau psychologique. C'est une manière aussi d'extérioriser une peur, mais ça ne veut pas dire que... Ça veut pas dire... Après, je ne peux pas savoir. On ne peut jamais savoir à l'avance. Si un jeune qui en parle, ça ne veut pas dire qu'il va le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. On n'en sait rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'un jeune exprime ça, que ce soit à travers des interprétations théâtrales, comme c'était le cas que tu as vu, apparemment c'était répété, que ce soit un jeune qui en rit tout le temps, qui fait des blagues tout le temps là-dessus, ou qui en parle de façon très sordide, très, très dramatique, comme ça. Si un jeune l'exprime, il faut le prendre au sérieux. Ça veut dire que quelque part, c'est dans sa tête. Et s'il n'a pas de... En face, quand il l'exprime, s'il n'y a pas d'interlocuteur qui réceptionne ça, ça peut aller plus loin. Et à ce moment-là, il peut y avoir des idéations, une cristallisation d'un plan, etc. Et puis un passage à l'acte éventuellement. Mm-hmm. Donc ça ne veut pas dire, faut pas dramatiser le fait, enfin dramatiser, disons, faut pas interpréter le fait qu'un jeune en parle. Faut pas se dire, oulala, mon Dieu, il va passer à l'acte dans 2 minutes, ou alors, non, mais de toute façon, c'est de la provocation, ça ne veut rien dire. C'est ni l'un ni l'autre, on n'en sait rien. Ce qu'il faut, c'est prendre au sérieux, et puis s'asseoir 5 minutes avec lui, et puis dire, voilà, qu'est-ce qui se passe. J'ai vu que tu parlais beaucoup de suicide, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses souvent, et puis un peu discuter avec, et puis voir un peu où il en est, et puis si on sent qu'il y a une inquiétude plus sérieuse à avoir, il faut relayer, aller voir un médecin, prendre conseil auprès de quelqu'un, voilà. Mm-hmm. Mais il faut toujours prendre au sérieux un jeune qui parle de ça. Je pense pas qu'il faut, même un jeune qui en rigole, hein, même un jeune qui fait des blagues ou autre. Les gens souvent, et ça fait partie du tabou aussi, des préjugés qu'il y a là-dessus, les gens ont l'impression que ceux qui en parlent beaucoup ne le feront pas. C'est un préjugé qui est très répandu. De toute façon, ceux qui en parlent, c'est ceux qui ils veulent provoquer, c'est pour faire du chantage, etc. Mais quelqu'un qui en parle, c'est qu'il a une bonne raison d'en parler. Ça ne veut pas dire qu'il le fera, ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Mais il a une bonne raison d'en parler, et à un moment donné, il faut que quelqu'un l'écoute. Donc voilà. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, mm-hmm, non plus. Voilà, c'est extrême, c'est exagéré aussi. C'est ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il ne le fera pas qu'il faut l'ignorer. Peut-être qu'il ne le fera pas, peut-être qu'il le fera. Dans tous les cas, il y a quelque chose qu'il doit exprimer. Donc, Juste la dernière question par rapport aux familles. Mm-hmm. Vous travaillez aussi avec eux? Est-ce que vous avez des familles qui viennent vers vous? Je sais qu'il y en a, un organisme qui traite ça, c'est après. Mm-hmm, pour les deuils. Pour les deuils. Mm-hmm, ouais. Je pense que c'est aux grottes. Ça s'appelle Arc-en-Ciel. Oui, c'est des groupes de parents. Ouais. Oui, voilà. Mm-hmm. Arc-en-Ciel. Mais est-ce que la prévention chez les jeunes, ça va? Mais est-ce que vous faites aussi... Chez la famille, est-ce que vous regardez un peu près, vous parlez avec eux, vous Non, parce que vraiment notre rôle, c'est pas du tout, on fait pas de, on fait pas de conseils psychologiques, on fait pas de thérapie ni personnelle ni familiale, on ne reçoit pas les gens chez nous, que ce soit un jeune ou une famille, on va pas non plus nous voir les familles pour leur parler, c'est pas notre rôle du tout de s'immiscer dans les familles pour parler de ça. Mais vous ne faites pas la prévention dirigée aux familles, dirigée aux adultes? Mais qu'est-ce que ce serait une prévention dirigée aux familles? Alors, la disponibilité des moyens, si on veut atteindre notre propre vie, mais aussi la disponibilité pour ces familles de savoir, de voir, de vérifier, de comment, à qui je peux... on parlait quels sont les mots que je peux dire, comment mais je peux... Mais bien sûr que si quelqu'un, un parent, une maman, un papa a besoin d'informations, nous sur notre site il y a tous les endroits qu'on peut contacter pour avoir de l'information. Nous, notre rôle c'est de faire de l'information générale. Donc on a un site qu'on est en train de changer d'ailleurs, mais le but c'est qu'il soit très complet en matière d'information. Mm-hmm. Donc tous les lieux qui peuvent être utiles pour aider quelqu'un, pour s'aider soi-même, on les met sur notre site. Donc une famille, tout comme n'importe qui a besoin de se renseigner, il peut trouver l'information chez nous. S'il a besoin d'informations plus précises, il nous appelle, ça arrive qu'il y ait des gens qui nous appellent. C'est pas notre rôle directement de répondre à ce genre d'appel, mais bien sûr que ça arrive. Donc on fait... À des gens, quand tu parles des gens, ça veut dire qu'ils font appel à vous, de quelle manière? Qu'est-ce qu'ils posent comme question? Ah, ça dépend, il y a vraiment de tout. Des parents qui vous appellent Par exemple, il y en a une enseignante, des personnes âgées, des frères et sœurs de quelqu'un, ou quelqu'un directement qui ne va pas bien. Voilà, on a toujours beaucoup de... Chaque situation est différente. Mm-hmm. Donc, nous, notre but avec ces personnes-là, c'est de les relayer là où elles pourront vraiment trouver de l'aide. Parce que de l'aide, elles n'en trouveront pas chez nous. Chez nous, elles trouveront de l'information. Mais pas de l'aide, on n'est pas là pour ça. Comme les jeunes aussi ou pas? Ça arrive qu'il y ait des jeunes qui nous contactent. Dans ce cas-là, on fait la même chose. Jeunes, pas jeunes, famille, proches, personnes concernées directement. Notre rôle, c'est le même dans tous les cas. C'est de relayer la personne. C'est pas de lui apporter nous-mêmes de l'aide parce qu'on n'est pas professionnel pour ça. C'est pas notre rôle. Ok. Ok. Mais vous êtes à l'écoute, ça veut dire vous êtes d'une certaine manière. Parce que dans la campagne, j'ai l'impression qu'on peut. Vous avez un site internet qui est très clair, plus que d'autres. En tout cas, il est complet, je ne sais pas s'il est clair, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Complet, ouais. Oui, aussi. Mais moi, quand je cherchais de l'information, j'ai mis exactement ces paroles. Donc pour moi, c'était déjà quelque chose, c'est pas de la prévention, pour moi, c'était déjà quelque chose qui allait directement. Donc si je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui ferait ça, pour moi, oui, j'ai vu que pour moi, c'était quelque chose qui me donnait les moyens directs, non? Mais en fait, non. Vous, ça arrivait... donc s'il y a un jeune qui vous appelle, après, vous allez le... Le faire passer à un autre... Bien sûr, parce que nous, on peut pas l'aider. On n'est pas médecin, on n'est pas psy, on n'a aucune structure d'accueil, nous-mêmes, on peut pas l'aider. Par contre... Vous faites de l'écoute, ça veut dire... Non, on fait pas d'écoute. Du tout. Non, c'est-à-dire que oui, on est à l'écoute de ces appels, évidemment, qu'on on les renvoie pas sur les roses, évidemment. Notre rôle, c'est d'accueillir ces appels-là avec beaucoup de respect et de leur dire de façon très claire que nous-mêmes, on peut pas les aider. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont eu tort de nous appeler. Au contraire, nous, on valorise toujours la démarche de quelqu'un qui nous appelle, parce que faire un appel comme ça, ce n'est pas facile, ça demande pas mal de courage. Tout à fait. Donc oui. On valorise et même, toujours, on dit la démarche, l'appel, on dit toujours qu'ils ont eu raison de nous appeler, que par contre, nous-mêmes, directement, on ne peut pas aider. On n'est pas médecin, on n'est pas professionnel, mais que voilà l'endroit où ils pourront trouver des professionnels qui les aideront. Et on leur envoie, on leur donne en général plusieurs numéros, plusieurs endroits différents. Voilà. Notre rôle, nous, c'est ça, c'est de relayer, faire le relais. Vous avez plus de personnes dans le noyau familial qui vous appellent ou plus de personnes qui ont fait des tentatives ou, Non, ça, je ne saurais pas dire. Non. Ça, on a beaucoup de personnes qui appellent pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Mais on a rarement... Ce n'est pas des gens qui ont fait des tentatives qui nous appellent. C'est soit des personnes qui, elles-mêmes, sont en crise suicidaire et qui cherchent de l'aide, soit des personnes de l'entourage proche de quelqu'un qui sont inquiètes et qui demandent de l'information. Ok. Juste, quand tu parles des jeunes, vous faites aussi la prévention dans les écoles. J'ai vu que vous avez... Vous avez une personne qui est en charge de ça, qui va directement. Quelles sont les barrières qui se trouvent des jeunes aujourd'hui dans cet environnement, dans l'école? À l'école ou au collège, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Si vous allez directement au collège, oui. C'est parce qu'il y a quand même c'est un environnement duquel vous pouvez profiter, s'ils sont plus à l'aise, non? Il y a certains facteurs pour lesquels vous allez pas à une fête. Si on va à l'école, c'est parce que c'est là que les jeunes sont. C'est là qu'on est sûr de les trouver. Ils sont à l'école. Oui, mais vous n'allez pas à une fête, par exemple. Vous allez jamais. Aussi. Si? Oui, on fait des stands. C'est pas le même genre d'intervention. On fait dans les festivals de musique, dans les fêtes, et on tient des stands d'information avec notre matériel, avec toutes nos informations, et on est là pour renseigner et puis distribuer le matériel, faire de la sensibilisation. Dans les écoles, on va quand on nous appelle ou quand on nous demande, et nous on s'attache surtout à sensibiliser les autorités scolaires à la nécessité de la prévention dans leur cadre scolaire. Et les encadrants et autres, vraiment à la nécessité d'une prévention du suicide en milieu scolaire. Et de temps en temps, mais c'est assez rare, on est directement en contact avec une classe, et dans ce cas-là, on fait une action de prévention, comme on fait quand on va dans une maison de quartier ou dans un foyer, etc. On a des outils pédagogiques, on discute, etc. Voilà. Okay. Est-ce que tu connais un sociologue ou un psychologue ou quelqu'un à Genève qui aille les choses bien claires et qui puisse, je sais pas, répondre à quelques questions, que tu penses qu'il est bien ou elle est bien? Pour des psychologues, il faut aller voir le CEPS, je pense. Je sais pas s'ils répondent à ce genre de questions, il faut leur demander. Sociologue, c'est plus difficile. Je connais une personne qui vient de finir une thèse en anthropologie sur le suicide. Elle part en voyage pour plusieurs mois bientôt. Il faudrait voir avec elle si elle peut te rencontrer rapidement. Mais elle est au point, oui, elle est très au point. Elle a fait l'étude sur la Suisse, sur les pays germanophones. Non, elle était sur le canton de Vaud, elle est à Lausanne. Mm-hmm. Et elle a travaillé sur à partir de des consultations du service d'urgence psychiatrique du CHUV, donc l'hôpital vaudois, l'hôpital cantonal. Voilà. Ok. Ok. Parce qu'après, j'ai lu en France, il y a certaines personnes que quand même, on tient à dire, non, quand on parle de ces sujets-là. Mais en Suisse, je trouve pas vraiment. C'est comme si c'était quelque chose de très très jeune, non, de très nouveau. Oui, c'est assez récent comme discipline. Il y a plein de gens qui sont très calés et qui travaillent là-dessus depuis longtemps. Mais peut-être qu'ils sont moins visibles qu'en France. Peut-être aussi, c'est rester plus dans le milieu professionnel et moins dans le domaine public. C'est possible. Ok. Bon, je ne sais pas si cette fille, c'est une dame. Oui, c'est une fille. Oui, elle vient de sortir de ses études. Elle est tessinoise, elle s'appelle Michaela. Michaela ou Michaela? Michaela. Ouais. Ok. Je veux prendre son nom. Oui, alors Michaela Canevacini. Il n'y a qu'un seul L si jamais. Ah, ok. Tu veux un bon mot? Merci, c'est gentil. Canevacini, c'est clair, j'ai fait une petite erreur. Canevacini? Oui, c'est ça. Oui, E-V-A-S-C-I-N-I. Ok, Canevacini. D'accord. Et t'as son email ou quelque chose? Oui, j'ai, je peux te donner après. Ou je t'envoie par mail directement. Ah, oui. Ok, ça marche. J'ai ses coordonnées. Ah, oui. Sinon, oui, j'en avais pensé. Déjà. CEPS. Oui, pour les CEPS, pour un psychologue. Mais quand même, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un. Je ne veux pas tomber sur les mêmes réponses. Ça veut dire, parfois, j'ai peur de tomber sur des gens qui sont habitués à faire la même chose. Ça veut dire que... ouais. Que peut-être pour eux, c'est banal, non? Ça dépend de chacun, en fait. Ça dépend de la facilité que chacun a à vulgariser son domaine, à l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas. Ça, c'est différent chez chacun. Oui, mais je parle de psychologue, c'est pas vraiment de médias ou de transmission, non? Oui, c'est ça, exactement, mais... c'est ça. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, c'est clair. Si. Pour mais mais ouais. Non, alors là, j'ai... Mais j'espère de pas trouver des gens qui banalisent un peu cette métier. Ah, non, je pense pas, alors. Je pense pas qu'il y ait des gens qui banalisent ce domaine-là, même s'ils sont dedans depuis très longtemps. Je pense que tu personne... penses pas? Non, je pense pas. Je pense que à partir du moment où c'est le domaine dans lequel on travaille, il n'y a pas de raison de banaliser. Et puis, la personne qui banaliserait éventuellement, c'est celle qui ne connaît pas. Mais il me semble que parmi les gens qui étudient ce sujet-là, moi, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui banalisait. Non, enfin, ça dépend ce que tu entends banaliser. Après, ça, non, banaliser, non. C'est être fatigué du sujet, en fait. Non, je pense pas. Non, non. Non. C'est juste une impression parce que je le trouvais dans notre domaine. Ah oui. Mais finalement, la psychiatrie, c'est la même chose aussi. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas absente. Absente? Non. On reste toujours. Il y a toujours la possibilité. Voilà. C'est surtout ça mon souci. Oui. Non, je pense que tu trouveras les gens intéressants. Non, mais tu peux demander. Salut. Tu peux demander au CEPS. Dans les différents services hospitaliers de psychiatrie, au CHUV aussi, il y a des à Lausanne. À Lausanne, des unités pour adolescents, pas directement sur le suicide, ça il y a que à Genève, mais avec des gens qui connaissent bien leur affaire quand même, donc Ok. Ou un thérapeute familial indépendant, un psychologue indépendant, peut-être. Un thérapeute. Thérapeute, ouais, quelqu'un qui n'aura pas forcément que des problématiques suicidaires dans ses patients, mais qui aura l'expérience clinique, disons, de jeunes ou de situations de risque ou autre. Il faut, moi, je pense qu'il faut que tu regardes dans les... que tu fasses quelques lectures et puis que tu regardes dans les auteurs. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Oui, j'étais à Dust, non comment s'appelle cet écrivain. Maintenant, j'oublie. J'ai tellement de choses dans la tête. Mais il y a un écrivain, mais je pense, j'avais l'impression que j'allais trop loin sur le sujet, tu vois. Mais oui, j'ai commencé à lire. Après, c'est vrai que certaines choses, je les trouve quand même comme si c'était de... des sujets de marketing plutôt. C'est vrai? C'est. Moi, certains livres. Oui, j'ai trouvé comme ça. Mais ça, c'est mon. Oui, c'est mon opinion personnelle. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc, cellulaire daté de 1825. Ah oui, non, mais ça, c'est. Je me suis dit, bah, tiens, si je dois. Oui, oui, non, alors ça, c'est ce fameux livre, je me souviens plus. Il a différents... Oui, c'est Dust, Dust. Non, oui, du... Je l'ai là, mais je me souviens. Duncan ou un truc comme ça. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, non, mais ça, c'est très vieux. Et c'est pas quelqu'un que tu pourras rencontrer, de toute façon. Mais non, il y a beaucoup d'écrits qui sont beaucoup plus récents, des gens qui travaillent sur le sujet actuellement, et là, ça va être beaucoup plus intéressant. Je pense. Ouais. On a deux, trois bouquins, si tu veux regarder rapidement. Trouver des... Oui, pourquoi pas. Consulter, sans problème. Ça marche. Ouais. Vous l'avez là, je peux prendre bien sûr. Le... Oui, je peux prendre des références, sans problème. Ok. Bon, bah, c'est bon.